C'est l'une des plus grandes énigmes de la résistance, l'une des plus douloureuses aussi, l'affaire Farjon. Farjon, un nom qui vous dit forcément quelque chose, souvenez-vous, Bagnols et Farjon, fabricants de plumes puis de crayons qui ont équipé des générations d'écoliers. Roland Farjon, donc, l'un des héritiers de cette dynastie d'industriels nordistes. Un homme à qui tout semble sourire, jeune, beau, fortuné, entreprenant. Il a épousé une femme délicieuse qui lui a déjà donné 3 enfants lorsque la guerre arrive. Officier de réserve, il est précipité dans le maelstrom de la drôle de guerre, puis dans la débâcle du printemps 40. Fait prisonnier, comme tant d'autres, il n'a de cesse d'être libéré, ce qu'il doit sans doute à l'influence de sa riche famille. Toutefois, à peine revenu dans la France occupée, il se lance à corps perdu dans la résistance et devient l'un des responsables militaires de l'un des mouvements les plus actifs, l'OCM. Mais en octobre 1943, ce jeune homme intrépide et impétueux est arrêté par la Gestapo. Que se passe-t-il alors? Trahit-il ses camarades qui vont tomber les uns après les autres, à moins qu'il ne paye simplement ses imprudences? Aujourd'hui encore, de nombreux résistants croient plutôt à la version de la trahison. Quoi qu'il en soit, Farjon arrive à s'évader quelques semaines avant la libération, et malgré, ou à cause, des soupçons dont il est l'objet, il s'engage dans un maquis où il se conduit avec panache. Cherche-t-il à faire une fin glorieuse en côtoyant quotidiennement la mort, ou bien donne-t-il simplement cours à sa vaillance naturelle? En tout cas, il fait preuve d'un incontestable courage qui fait l'admiration de tous ses compagnons. Et il poursuit le combat jusqu'à la fin, en s'engageant ensuite dans une unité de fusiliers marins. Mais le passé le rattrape. Un juge d'instruction est chargé d'enquêter sur sa présumée trahison. C'est insupportable pour ce jeune héros. En juillet 1945, il disparaît. 2 jours plus tard, on retrouve son corps dans la Seine. Mais était-ce vraiment son corps? Farjon n'a-t-il pas maquillé son suicide pour fuir la justice, son pays et la vengeance de ceux qu'il a peut-être trahis? Certains, et pas les moindres, affirmeront l'avoir rencontré après juillet 1945. Ils affirmeront même que Farjon a trouvé refuge en Amérique du Sud. Alors, qu'en est-il? Monsieur X essaie de résoudre l'énigme. Un dernier mot, avant d'écouter mon interlocuteur. Celui-ci ne m'a pas caché qu'il s'était largement inspiré de Gilles Perrault. Gilles Perrault qui, à ma connaissance, est le seul écrivain et historien à avoir mené une véritable et minutieuse enquête sur cette affaire trouble et toujours mystérieuse. Son ouvrage, La Longue Traque, a été publié en 1975, puis réédité chez Fayard en 1997 avec de nouvelles informations. Merci donc à Gilles Perrault qui a autorisé ces précieux emprunts. Roland Farjon aurait aujourd'hui 96 ans. Pourquoi ce préalable et pourquoi ce conditionnel? Écoutez, le conditionnel, si vous voulez bien, on en parlera plus tard. Alors l'âge, pourquoi? Parce que cette affaire est à la fois proche et lointaine. Proche pour des gens comme moi qui ont vécu la guerre, et puis lointaine parce qu'il s'agit d'une époque qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. La Gestapo, la torture et ces résistants qu'on appelait alors des terroristes, il ne faut jamais l'oublier. Tout ça semble étrange aujourd'hui, archaïque même. Surtout à une époque où, vaille que vaille, l'Allemagne reste notre meilleur ami. Et pourtant, quand on se penche sur ce dossier, on ne peut pas s'empêcher de se passionner malgré les années qui ont passé. Ah, c'est votre cas. Oui, oui. Et en prenant connaissance de cette extraordinaire affaire, eh bien, on cesse de balancer entre la vérité de Farjon et celle de ceux qui l'ont accusé d'avoir trahi et dénoncé des dizaines, peut-être même des centaines de résistants. Et vous êtes parvenu à vous faire une opinion? Oui, mais... Ah, n'allons pas trop vite, n'est-ce pas? Ah ben, je ne veux pas vous décevoir. Alors, je vous écoute, là. Par où commence-t-on? Eh ben, étrangement, à part Gilles Perrault, les historiens, même ceux qui font autorité pour la période de la Résistance, sont très discrets, dès qu'il s'agit de Roland Farjon. Et vous avez une explication? Ben, on sent que le sujet embarrasse. Et pourtant, il y a eu d'autres cas de trahison ou de retournement de résistants par les Allemands. Le cas de la Chape, par exemple, pour n'en citer qu'un. Ben, vous avez parfaitement raison. Alors, ben, tentons une explication. Si l'affaire Farjon est si peu évoquée, c'est que le doute demeure. Ou bien c'est un infâme salaud, ou bien c'est un type épatant qu'on a injustement sali et déshonoré. Ça pose quand même un problème. Oui, ça m'aime mal à l'aise. Hein. Ouais, exactement. Alors, entrons dans le vif du sujet. Je dois d'abord vous parler de l'histoire de la famille de Fargeon. Enfin, rassurez-vous, je serai bref. Fargeon, c'est le deuxième élément du binôme Baignol et Fargeon. Ouais, les plumes, les crayons... C'est ça. Et le créateur, un certain monsieur Lebeau, qui introduit l'usage de la plume métallique en France au XIXe siècle, avait deux filles. L'une a épousé un Baignol et l'autre un Fargeon. Et les deux gendres ont ensemble fait prospérer cette petite entreprise familiale à tel point qu'ils ont édifié une belle fortune et sont devenus de puissants industriels du nord de la France qui vont d'ailleurs se diversifier en rachetant d'autres firmes. Les grands bourgeois. En effet. Et qui, comme souvent dans ces dynasties, sont chatouillés par la politique, essentiellement du côté Fargeon. Le premier, Ferdinand, est élu député de Boulogne au début du XXe siècle. Le second, c'est le père de Roland, Roger, un notable classique très Troisième République. Roger Fargeon réussit si bien en politique qu'en 1939, vice-président du Sénat, on voit en lui le futur président de la République. Ah ouais. Et politiquement, sur quelle ligne est-il ? Je ne vous surprendrai pas en vous disant que c'est un homme de droite, un conservateur très nationaliste et anti-immunicois, un homme qui choisira rapidement de se rallier à De Gaulle. Mais auparavant, il aura fait une erreur qui lui coûtera très cher. Quoi ? Il a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et ça lui vaudra d'être exclu de l'Assemblée consultative d'Alger. Et il vivra ça très mal. Une anecdote avant de poursuivre. Roger Fargeon est si ardemment patriote qu'il baptisera tous ses fils de prénoms commençant par la lettre R. RF. Vous comprenez ? Oui, République française. C'est ça. Ouais. Alors, Roland Fargeon, justement aîné des garçons, il est naturellement destiné à succéder à son père, en politique comme en affaires. Mmh. Et lui aussi, c'est un type de droite. Même un peu plus. Ses amis sont tous des gens d'extrême droite. Et lui-même n'hésite pas à faire le coup de poing contre ses ouvriers communistes. C'est l'époque de la cagoule, des ligueurs et des partisans d'un régime fort. Contre le gouvernement de Front Populaire. Bien sûr. Ouais. Ces jeunes gens regardent avec attention ce qui se passe en Italie. Le fascisme. Le fascisme, oui. Mais pas le nazisme. Parce que ce sont d'abord des patriotes. Pour autant, Roland Fargeon, charmant garçon, sportif et pas bégueule pour un sou, a plutôt bonne presse au sein de l'entreprise. Parce qu'il ne vit pas enfermé dans son bureau et va volontiers discuter avec ses employés. D'ailleurs, je soupçonne que son travail devait le barber. Et c'est seulement sur injonction de son père qu'il a accepté de lui succéder et d'incarner plus tard le destin politique de la famille. Et que voulait-il, lui, alors ? Faire carrière dans l'armée. En effet, un officier de réserve de cavalerie. Mais il a cédé à son père. Oui. Et au fond, quand la guerre éclate en 1939, c'est une sorte d'aubaine pour lui. Il va enfin se réaliser et redevenir l'officier qu'il rêvait d'être. Un détail avant. Et vous le verrez, ça comptera ensuite. Roland a épousé Monique. Oh, une très jolie jeune femme qui est la cousine de Charles de Gaulle. Alors, Fargeon est donc un parent par alliance du général. Mais on en reparlera. La guerre, donc. Fargeon donne la mesure de son courage. Mais quelques jours après l'armistice, il est capturé par les Allemands alors que son épouse vient de donner le jour à une petite fille prénommée, et ça ne s'invente pas, France. Et comme tous ses camarades, Roland est envoyé dans un stalag. Toutefois, son père fait jouer toutes ses relations et un an plus tard, le jeune officier est libéré. Et cet ardent nationaliste brûle aussitôt d'entrer en résistance et de se battre. Pour lui, il n'y a pas d'hésitation. Aucune, non. Alors même que dans son milieu, beaucoup ont choisi Pétain. Et lui-même, d'ailleurs, commence par fréquenter Vichy, où il trouve un poste qui va admirablement servir son dessein. Il est nommé chargé de mission au ministère de l'Éducation nationale et des Sports. Mais en quoi ça l'arrange, ça ? Cette fonction officielle lui permet de voyager dans toute la France. Ah, d'accord, je comprends. Et la résistance, alors ? Là encore, c'est chez les gens de son monde qu'il va entrer en contact avec la résistance, presque naturellement. Expliquez, là. Il existe alors dans les beaux quartiers de Paris des hommes, capitaines d'industrie, anciens militaires et même héros de la Grande Guerre qui n'acceptent pas la défaite et les contraintes honteuses imposées à la France par la signature de l'armistice. Ce sont des gens que leur inclination politique porte plutôt vers Pétain. Non seulement parce que ce sont des conservateurs et même de véritables réactionnaires, mais aussi parce qu'ils admirent le vieux maréchal. Ouais, pour eux, c'est d'abord le vainqueur de Verdun. Hein. Et certains d'entre eux sont même allés voir du côté de Vichy, mais ils en sont revenus déçus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont rapidement compris que Pétain et son entourage étaient déjà soumis à l'occupant et que la politique de collaboration avait atteint un point de non-retour et que le double jeu revendiqué par Vichy n'était qu'une fiction. Le double jeu, expliquez un peu plus. Hein. On fait semblant de collaborer avec les Allemands, mais en réalité, c'est pour protéger les Français et même préparer la revanche. Ça, c'est la thèse du bouclier et de l'épée, hein, le bouclier Pétain et l'épée de Gaulle. Ouais, mais enfin, ça ne peut pas faire illusion longtemps. Et ces pétainistes dégoûtés vont se lancer dans la résistance et vont créer l'un des mouvements les plus importants, l'OCM, l'Organisation Civile et Militaire. Et c'est pourquoi ils vont recruter un homme comme Roland Fargeon qui aspire de toutes ses forces à lutter contre l'ennemi. Comment s'est constitué l'OCM, c'est-à-dire l'Organisation Civile et Militaire? Je suis allé consulter la monumentale histoire de la résistance d'Henri Noguer et j'y ai lu ceci. On est alors à la fin de l'été 40 et les premiers résistants s'organisent. Un autre groupe se constitue sous la couverture innocente de la Confédération des travailleurs intellectuels autour de Maxime Bloch-Mascart, qui en dirige le service social, et d'un professeur des arts et métiers, Sainte-Lagu, ancien président de la Confédération. Deux fonctionnaires de la Chambre des députés, Aimé Jean-Jean, attaché à la Questure, qui connaît De Gaulle pour avoir appartenu à son cabinet ministériel, et l'archiviste Pierre de Soulès, se joignent à eux. Par Jacques de Soulès, frère de Pierre, le contact sera établi avec un autre petit groupe qui se forme au ministère des Travaux publics autour de deux fonctionnaires, Georges et Raymond Récron. Les deux groupes, qui vont bientôt n'en faire plus qu'un, constitueront le noyau civil de ce qui sera un jour l'Organisation Civile et Militaire, OCM. Ajoutons, pour être tout à fait complet, que la branche militaire se constituera sous l'incontestable autorité de Jean Arthuis, un industriel qui est aussi capitaine de réserve dans l'aviation, et lui aussi très proche de la droite extrême. Comment se passe le recrutement de Roland Fargeon? Attendez, avant, je m'aperçois que j'ai peut-être été un peu trop rapide dans mes explications. En fait, la rupture avec Vichy n'a pas été aussi radicale. Et certains membres de l'OCM, tout en s'engageant activement, tarderont à rompre complètement avec Vichy, et contrairement à ce que prônent d'autres mouvements de résistance, ils se refuseront à s'engager dans l'action violente contre l'occupant. Mais alors, que font-ils? Du renseignement. La constitution d'un important arsenal composé d'armes parachutées par les Britanniques et le recrutement d'une armée secrète forte de milliers d'hommes. Mais une armée qui ne se lancera dans la bataille qu'après avoir reçu l'ordre de Londres, c'est-à-dire après le débarquement. Et c'est pourquoi on les appelle, non sans ironie, les jourgistes. Ah, les jourgistes. Et ça correspond, au fond, tout à fait au vœu du général de Gaulle. C'est vrai. De Gaulle qui, par exemple, condamnera toujours les attentats individuels contre les soldats, mais enfin passons. Alors, le recrutement de Roland Fargeon, je vous l'ai dit, il se fait naturellement. Parce que tous ces gens qui créent l'OCM appartiennent à son milieu social et que ce jeune officier exalté ne dissimule pas qu'il veut faire quelque chose pour son pays. Donc rejoindre la résistance. En effet. C'est pas très prudent, là, il bavarde beaucoup. Enfin, Fargeon n'a jamais été très prudent. C'est d'ailleurs ce qu'il perdra. Mais à l'époque, c'est le cas de beaucoup de résistants et c'est normal. À part quelques hommes qui ont l'expérience des services secrets. Oui, le deuxième bureau. Oui, ouais. Mais les autres ont tout à apprendre. La clandestinité a ses règles, ses méthodes, et ses premiers résistants, c'est évident, ne sont pas préparés. Il est même quasi miraculeux que certains réseaux ayant grandi démesurément aient si longtemps échappé aux fins limiers de la Gestapo. Toujours à cause des imprudences dont vous parliez. Bien entendu. Et tenez, Fargeon vient à peine d'être recruté par l'OCM qu'il déclare à sa famille qu'il est entré dans la résistance. Décidément, hein. Et dans ces réseaux, et particulièrement à l'OCM, il n'y a pas que des amateurs. À la tête de l'organisation, trois hommes se détachent. Jacques Arthuis, le colonel Touny et Maxime Bloch-Mascart. Qui sont-ils? Arthuis, capitaine de réserve dans l'aviation et le véritable créateur de la branche militaire de l'OCM. Comme la plupart de ses camarades, c'est un homme d'ordre et même un admirateur de Mussolini. Et très tôt, il a compris que le maréchal refusant de reprendre le combat, il incombait aux anciens militaires de tout faire pour chasser l'occupant. Mais il sera arrêté par les Allemands en 1941 et mourra en déportation en 1943. Et c'est le colonel Touny qui lui succédera. Oui, lui aussi un ancien militaire. Hein. Bien entendu, et issu des mêmes milieux politiques. Alors un mot peut-être sur cet homme. Volontiers. D'autant plus qu'Alfred Touny va jouer un rôle considérable dans cette affaire. Touny, c'est d'abord un personnage, physiquement impressionnant, une sorte de colosse au regard perçant. Un type qui parle doucement, mais juste et vrai. J'ajoute que ce géant des beaux quartiers semble être aussi un homme tranquille. surtout quand on le croise aux alentours du bois de Boulogne en train de promener un chien qui paraît ridiculement minuscule au bout de la laisse de son maître. Et dans le civil, que fait-il, Tounine ? Ben, comme ses amis, il navigue dans les milieux d'affaires et appartient à plusieurs conseils d'administration. J'ajoute, et c'est très important, que Tounine a déjà une expérience d'agent secret. Ah oui, enfin un professionnel. Oui, oui, il a été affecté au deuxième bureau. Et il a gardé des contacts avec les services secrets français, dont quelques membres, tout en faisant semblant de travailler pour Vichy, entretiendront des rapports avec Londres. Mmh. Donc ça, c'est le côté militaire de l'OCM, alors, et les civils, alors. Vous avez parlé d'un certain Bloch Mascar. Oui, oui, lui, c'est un type d'un autre genre. Un agitateur d'idées, un peu imbu de lui-même, mais très introduit dans les milieux intellectuels et dans la haute administration. Un type, pourtant, qui commettra un écart, et on le reprochera longtemps. Mmh. Quoi ? Une brochure clandestine antisémite. Ah oui. Et pourtant, Bloch Mascar est lui-même juif. Bizarre, là. Expliquez-moi ça. Eh bien, à l'instar des hommes qui ont inspiré la politique raciale de Vichy, cet intellectuel trouve que les juifs sont trop visibles. Ils encombrent, par exemple, les professions libérales, le commerce, la banque. Ah, il y en a trop, en somme. Et ils excitent l'envie. En outre, dans l'esprit de Bloch Mascar, ils ont le tort de rester juifs. C'est-à-dire de ne faire confiance qu'à d'autres juifs, ou encore de conserver une morale israélite. Bref, ils ne s'assimilent pas et encouragent eux-mêmes l'antisémitisme. C'est quand même énorme, non ? Surtout quand on découvrira un peu plus tard les horreurs de la Shoah. Et puis trouver ce texte dans une brochure publiée clandestinement par un mouvement de résistance, ça ne peut que choquer. Et ce sera la réaction de nombreux résistants. Mais ne nous attardons pas sur cette bévue. Pardonnez-moi, mais bévue, le mot me paraît bien faible. Bon, j'ajoute, et ça ne manquera pas de vous intéresser, que Bloch Mascar sera plus tard l'un des artisans de la préparation du retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958. En tout cas, moi je trouve que ça commence à bien faire. Ces hommes qui admirent Mussolini, tous ces réactionnaires, et maintenant un juif antisémite. Bon, je comprends que vous vous interrogiez, mais sachez que dans le combat contre les Allemands, ces patriotes mettront leur drapeau dans leur poche et n'hésiteront pas un instant à lutter aux côtés des communistes. Alors, oubliez tout ça. Ouais. Dans les instances dirigeantes de l'OCM, il faudrait encore citer beaucoup d'autres noms. Guy Mollet, par exemple, ou le journaliste Claude Bélanger. Et des femmes admirables, telles Vicky Obolensky, une princesse russe exilée qui finira sous la hache d'un bourreau allemand. Mais nous n'avons pas le temps de parler de tous ces destins. C'est dommage. Oui, oui, dommage, parce que certains ont été trop vite oubliés par l'histoire. Autre précision importante. Il règne alors, bon, c'est normal, une grande confusion dans la résistance. À cause de la spontanéité de la création de tous ces mouvements. Oui, oui, des mouvements qui s'ignorent, qui se croisent sans se reconnaître et qui doublonnent. Mais il se produit aussi, en ces premiers temps, des rencontres heureuses. Le colonel Tounny est ainsi mis en relation avec Rémy. Rémy, le colonel Rémy. Qui a déjà mis sur pied un des réseaux les plus efficaces, la confrérie Notre-Dame, et qui, surtout, est en contact avec Londres et la France libre. Ah oui, je comprends. Grâce à Rémy, les résistants de l'OCM vont donc pouvoir envoyer, par radio, les renseignements qu'ils collectent. Et c'est un grand pas en avant. Alors, revenons, si vous voulez bien, à Roland Fargeon, et plus précisément aux circonstances de son recrutement. Au cours de l'été 1941, Jacques Arthuis discute avec l'épouse de l'un des pionniers de l'OCM et lui demande si son cousin, qui vient tout juste de revenir d'Allemagne, ne pourrait pas venir l'épauler. Il a en effet besoin d'un adjoint enthousiaste et infatigable. Ce cousin, c'est bien sûr Fargeon. Oui, oui, une rencontre est organisée et Fargeon s'engage. Bientôt, après avoir donné plusieurs preuves de son courage et de son intrépidité, Roland Fargeon est nommé responsable militaire de la zone A. C'est-à-dire tout le nord de la France. Ouais, le nord, c'est pas un hasard, j'imagine. Bien sûr, puisque la famille Fargeon y a ses racines et que ses entreprises y sont implantées. Oui. Donc, Roland Fargeon est particulièrement à l'aise dans cette région. Oui. Et il y connaît beaucoup de monde. Et cet homme de contact va abattre un travail considérable. Avec lui, on est maintenant loin des beaux quartiers de Paris. Il recrute chez les cheminots, les agents des PTT, des paysans. Un réseau de l'OCM si dense et si actif qu'il pourra transmettre à Londres les plans de toutes les installations militaires allemandes sur les côtes du nord de la France. Et dans la perspective du futur débarquement, c'était essentiel. Sauf que les Alliés, on le sait, choisiront une autre côte, hein, c'est d'accord, la Normandie. D'accord. Enfin, le nord a été sérieusement envisagé. Et puis ça fera aussi partie du grand jeu du jour J. Oui, faire croire aux dirigeants du Troisième Reich que le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais. Hein, et c'est pas ça. Seulement à ouais. Cela. Certains résistants ont été aussi intoxiqués. Et Londres espérait sans toutefois l'avouer que si ces hommes étaient arrêtés par la Gestapo et parlaient sous la torture, ils ne manqueraient pas de déclarer en toute bonne foi que les Alliés avaient prévu de débarquer dans le Nord. Et toute la question, vous le savez bien, c'est de savoir si des résistants ont été sacrifiés pour intoxiquer les Allemands. Et si je vous parle de cette hypothèse, ce n'est pas tout à fait par hasard. Pourquoi cette manœuvre aurait pu avoir joué un rôle dans l'affaire Fargeau ? On ne peut pas l'exclure. Après l'arrestation de Jacques Arthuis, c'est donc le colonel Touny qui prend les rênes de l'OCM. Gilles Perrault le présente ainsi. Il a 54 ans en 1940, sorti major de Saint-Cyr en 1906, il se couvre de gloire dans un régiment de cuirassiers. Une blessure, cette citation. Esprit éclectique, il est licencié en lettres et en droit. Il abandonne l'armée pour le barreau, puis opte pour l'industrie. Membre éminent des Croix de Feu, il les quitte à la création du Parti Social Français. En fait, Touny ne veut point se mêler de politique. Il a la haine des palabres et des compromissions. Selon certains de ses amis, il serait alors entré à la cagoule, ce qui le situerait à la pointe de l'extrême droite. Mobilisé en 1939, il est chef du deuxième bureau de la 4e armée, basée en Lorraine. Démobilisé, le colonel n'a rien de plus pressé que d'aller à Vichy, et Perrault poursuit ainsi. Le pèlerinage vichysois s'impose d'autant plus à Touny qu'il porte une véritable dévotion au maréchal Pétain. « C'était une admiration sans borne, » dit Madame Touny. Il ne l'aimait pas seulement pour son passé militaire, toute sa personne le séduisait, même son aspect physique. Cette sérénité qui émanait de lui. Mon mari a donc tout fait pour obtenir un laissez-passer et il a réussi à se rendre à Vichy. Il en est revenu complètement dégoûté. Il m'a dit « Impossible d'entrer là-dedans, il parle de double jeu sans savoir ce que ça signifie. On se perd dans le double jeu et on finit par perdre. » Une fois, je me souviens, nous écoutions Pétain à la radio et il a dit que ceux qui agissaient contre les Allemands étaient des lâches. J'ai regardé mon mari, les larmes coulaient sur son visage. Vous ne pouvez pas comprendre, c'était un homme d'une réserve extraordinaire qui se contrôlait absolument. Il a murmuré, pas ça, il n'avait pas le droit de dire ça. Et cet homme réservé, même sévère, retrouvera sa gouaille de cuirassier lorsqu'il répondra à l'un de ses camarades qui l'interroge sur Vichy. Quand on a commencé à prendre un lavement, on ne peut faire que des ordures. À noter que l'un des fils de Touny, Roger, s'embarque à 17 ans pour l'Angleterre, s'engage auprès de Leclerc comme tankiste et finira compagnon de la Libération. Pouvez-vous développer cette affaire d'intoxication et peut-être même de dénonciation de résistants ? Pas tout de suite, mais j'y reviendrai, je vous le promets. Pour ne pas vous égarer, je préfère continuer à retracer le parcours de Roland Fargeon dans la résistance. Donc, comme le lui demandait Jacques Arthuis, il est infatigable et se démène sans compter. Toujours par Mons et par Vaux, et se rendant régulièrement à Paris pour rendre compte au colonel Touny et à ses adjoints. Et puis aussi, quand il le pouvait, rendre visite à sa femme et ses enfants. Je vous rappelle que grâce à ses fonctions à Vichy, il peut circuler librement. Mm-hmm. Mais ce poste de chargé de mission, là, c'est une quasi-fiction, non ? Et son ministre ferme les yeux. Ce ministre, là ? C'est Borodra, le basque bondissant, l'un des anciens mousquetaires du tennis français. Mm-hmm. Donc ce ministre de Vichy ferme-t-il les yeux parce qu'il donne ainsi une sorte de gage à la résistance ? Je ne sais pas. Mais il y a aussi une connivence de classe. Avec un rejeton Fargeon, on est dans le même monde, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, avec ou non la protection de Borotra, Roland s'agite. Mais il commet une première imprudence. Contrairement aux consignes données par Passy, le chef des services secrets de la France libre, il mélange action et renseignement. Précisez, là. L'action, c'est le recrutement de futurs maquisards. C'est le repérage de terrains d'atterrissage ou de parachutage. Et c'est aussi la constitution de dépôts d'essence ou d'arsenaux. En prévision du jour J. Voilà. Tandis que le renseignement, c'est la collecte d'informations avec la complicité d'agents des PTT qui espionnent les conversations téléphoniques de l'occupant. Ou des cheminots de la SNCF qui observent les convois de marchandises et les transports de troupes. Et puis il y a tous ceux, fonctionnaires, médecins ou simples citoyens, qui accumulent les observations. Et Passy, alors, estime qu'il est dangereux de mélanger les deux activités. A toujours le souci du cloisonnement. Mmh. Mais si Fargeon enfreint cette règle, ça ne peut être qu'avec l'accord de ses chefs directs. À commencer par le colonel Touny, c'est vrai. et avec l'accord du service de renseignement de l'OCM, le réseau Century, qui est d'ailleurs dirigé par l'un de ses cousins, Marcel Berthelot. Ouais, un cousin de Farge, ouais. Toujours la famille. Quoi. Ou les relations mondaines ou d'affaires. Sauf quand en tournée dans les départements du Nord, Fargeon rencontre les vrais gens, comme on dit aujourd'hui. Enfin, peu importe. Autre danger bien réel, l'OCM grossit. Ben, c'est plutôt un signe de bonne santé, non ? Certes, certes, mais ça donne des idées à certains de ses dirigeants. De quelles sont ces idées-là ? Ben, des idées de grandeur. Ayant conscience de devenir le plus important mouvement de résistance dans certaines régions, dont le Nord et le Sud-Ouest, l'OCM envisage très sérieusement l'après-guerre. C'est-à-dire ? Eh bien, l'organisation distribue de futurs postes de préfets, de maires, de conseillers municipaux. Ah, des postes à pourvoir à la Libération. Naturellement, et autant vous dire que ces prétentions agacent plus d'un résistant. Ah, car chacun plaide pour sa paroisse. Ben évidemment. Les communistes ne sont pas prêts à se laisser tondre la laine sur le dos, et il en va de même pour d'autres mouvements. Alors, ça c'est donc un facteur de division. Et ce sont les querelles de l'après-guerre qui se préparent. Et Jean Moulin aura fort à faire pour réunir sous sa houlette et au sein du CNR les différents mouvements. Et en même temps, cette politique de nomination anticipée développe au sein de l'OCM un climat d'euphorie qui ne peut que contribuer à l'affaiblissement des règles de sécurité. D'autant qu'à l'été 43, le spectre de la trahison apparaît. De quoi s'agit-il ? D'une affaire excessivement bizarre. Ça commence de façon grand-guignolesque par une affaire de lettres anonymes envoyées à des responsables locaux de l'OCM dans la région d'Arras. Le scripteur qui signe le masque semble néanmoins très bien connaître le mouvement et enjoint à ses chefs d'être prudents. Et il va en donner des preuves, non seulement en prévenant les résistants qu'ils risquent d'être arrêtés, mais aussi en communiquant une liste de plusieurs dizaines de gens appartenant à l'organisation et même son organigramme. Mais qui peut être cet homme alors ? Quelqu'un de bien intentionné qui veut réellement inciter l'OCM à la prudence. Mmh. Qui est peut-être un espion infiltré au sein des services allemands. Hein ? C'est très possible. Quoi qu'il en soit, les responsables de l'OCM sont pris de panique. Car dans sa dernière lettre, le masque affirme qu'il y a un traître. Il donne même son nom. C'est un interprète français employé par les Allemands et qui a jusque-là rendu de grands services à la résistance. Alors que faire ? Les résistants d'Arras préviennent Paris, puis s'emparent de la personne de cet homme et de celle de son secrétaire. Et ils trouvent dans sa serviette des preuves écrites de sa trahison. En particulier une copie de la liste communiquée par le masque. La suite est prévisible. Ce sinistre personnage, mais aussi son secrétaire, sont aussitôt liquidés. Mmh. Exécutés, quoi. Mmh. Mais se pose maintenant quand même une redoutable question. Est-ce que le traître a livré préalablement cette liste aux Allemands ? Bien sûr. Et là, on a commis une formidable erreur en estimant que la liste n'était pas en possession de la police allemande. Il a donc été conseillé aux gens dont le nom figurait sur la liste de ne pas bouger. Ça, c'est insensé, hein ? Non, pas tant que ça. Parce qu'ils auraient dû fuir avec femmes et enfants. Les laisser derrière eux, c'était les exposer à l'arrestation et à la torture. D'ailleurs, ça n'a pas traîné. Deux jours après l'exécution du traître, des dizaines de résistants ont été raflés. Alors, quand même, qui était ce masque-là dont on aurait dû suivre les conseils de prudence, hein ? Ben, on ne l'apprendra que bien plus tard. C'était le secrétaire du traître. Alors, exécuté en même temps que son patron ? Alors qu'en envoyant ses lettres anonymes, il voulait en quelque sorte contrecarrer la traîtrise de son chef. Mais il n'a pas eu le temps de faire cette révélation avant d'être tué. Ah, c'est une histoire terrible, hein. Et alors Fargeon, là, son nom était-il aussi mentionné dans Sans doute. Ouais. En tout cas, c'est une partie de l'organisation en zone A qui est décapitée. Et les survivants se sentent traqués, à commencer par Roland Fargeon. Il faut aussi dire que d'autres réseaux tombent pendant ces mois terribles de la fin de l'été et du début de l'automne 43. La situation est donc de plus en plus difficile. D'autant plus que Fargeon et les chefs de l'OCM savent maintenant que les dirigeants alliés ont repoussé le débarquement de plusieurs mois. Alors le moral n'est pas au plus haut. Et pourtant, Roland Fargeon repart pour le Nord où il exécute une dernière tournée d'inspection. Pour rencontrer ceux qui ne sont pas encore tombés. Par conséquent, une mission très périlleuse et un voyage très décevant. Car les résistants de l'OCM encore en liberté n'ont pas envie de prendre de risques inutiles. Puis il revient à Paris, où il dispose d'un appartement clandestin qui sert en même temps de boîte à lettres pour ses correspondants. Et peu de jours après, ils seront à un rendez-vous fixé par un agent de liaison. Un rendez-vous avec qui ? Un officier, le commandant Coigny. Là se trouve aussi un général, Vernot, un ancien du deuxième bureau qui a créé l'ORA, l'Organisation de Résistance de l'Armée. Et le piège se referme sur Fargeon et ses hommes. car Vernot vient d'être trahi. Et lorsque la Gestapo investit le 23 octobre 43 l'appartement de Coigny, il n'y a plus rien à faire. Ça fait exactement 2 ans et 3 mois que Farjon est entré dans la résistance. Une longévité exceptionnelle pour un responsable tel que lui. Il tombe par hasard. Oui, il n'a encore rien à se reprocher personnellement. Mais il a commis plusieurs imprudences. La première, c'est qu'il a gardé sur lui une facture de téléphone de son appartement clandestin. La deuxième, c'est que dans cet appartement, les Allemands vont découvrir un véritable trésor. Toutefois, si vous voulez bien, nous verrons cela la semaine prochaine, car dès lors se pose une terrible question. Quoi ? Les nombreuses arrestations qui vont suivre, et qui vont aboutir à un démantèlement presque total de l'OCM, sont-elles le fait de cette imprudence coupable de Roland Farjon, ou bien ce dernier a-t-il trahi ses camarades ? Et puis, d'autres interrogations vont surgir. Celles que nous avons évoquées tout à l'heure, une éventuelle manœuvre de Londres pour intoxiquer les Allemands. Et une autre, plus inquiétante encore, la police nazie n'avait-elle pas déjà tout appris de l'OCM, grâce à une trahison encore plus considérable au sein de l'appareil de ce mouvement de résistance ? Monsieur X m'a promis de répondre à ces questions dans notre deuxième entretien sur l'affaire Farjon, des révélations encore plus étonnantes. En attendant, pour plus de détails, je vous recommande l'indispensable livre de Gilles Perrault, La Longue Traque, paru chez Fayard, Les Mémoires du colonel Passy, chef des services secrets de la France libre, chez Odile Jacob, L'Histoire de la Résistance, un ouvrage collectif en 5 tomes, publié chez Robert Laffont, et enfin, Le Dictionnaire des agents doubles dans la Résistance, écrit par Patrice Mianet pour Le Cherche-Midi.